culpabilité. Culpabilité, culpabilité, culpabilité, culpabilité. Un glissement de pneus, des éclats de verre. 3, 2, 1, petit retour en arrière. Musique et filles, alcool et potes. On était jeunes et fous, on avait la bouchette. Tout débuta comme tous les samedis soirs. On serait cru au paradis. On s'amusait, on rigolait. On était dans le monde de la nuit. À flot, l'alcool coulait. Jamais assez, jamais rassasié. Tant qu'il y en avait, moi on s'arrêtait. Notre conscience nous le disait. Arrête, t'en as assez. Mais notre envie, elle, elle s'en foutait. 5h du mat, l'heure du départ. Les potes à réveiller, les clés à retrouver. Dans l'euphorie, je ne me rends pas compte du délit. Je prends le volant malgré les recommandations. Mon pote à côté de moi, derrière deux nanas. Les flics, je ne pensais pas les esquiver. Mais la grande faucheuse, elle, j'y avais pas pensé. Musique à fond, rire, les clopes qui se fument. Et devant moi, le bitume, que se passe-t-il? Mes yeux me piquent. Je me sens fragile, ma tête me fait mal, je suis comme un animal. Que se passe-t-il en roulant? Mais je pleure tout de mon âme. Pourquoi perdre ces êtres chers? Plongé dans la souffrance. Tous mes amis devenus des anges. Je donne des coups de volant, pourquoi sans le savoir? Je suis devenu hors la loi. Qui des pleurs et enfin une lueur et une voix qui me dit: ce n'est pas ton tour, attends les secours. Non, ne pars pas, ne prends pas le volant, c'est là mon retour, non. Mais c'est trop tard, je suis seul dans le brouillard. Seul sans le savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je ferme les yeux, les flashs apparaissent devant moi. Et dans ma moment de faiblesse, je suis devant un film d'horreur. C'est l'angoisse, l'épouvante, la terreur, mais impossible de zapper, je suis figé. C'est le film de ma vie, mais dans ce scénario, les personnages ne finissent pas toujours avec brio. Un seul générique de fin, le mien aujourd'hui. Je suis un rescapé, le dernier de cette petite virée. Les années ont passé, mais je suis jamais marqué. Marqué par ces cris, ces pleurs et enfin cette douleur. La détresse dans les yeux des parents. Et leur colère, leur animosité, leur ressentiment. Aujourd'hui que j'ai vieilli et que je suis à mon tour parent, je les comprends, je suis marqué toute ma vie. Mais...